يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، on reprend donc la série de cours de traduction de l'explication de Usul Sunnah l'Imam Ahmed رحمه الله تعالى faite par notre noble cheikh Rabi' bin Hadi al-Madkhali حفظه الله تعالى. Et on est arrivé, ce sera le 12e cours aujourd'hui, inshallah, au chapitre qui s'attache à étudier la croyance des gens de la Sunna par rapport aux compagnons, radiallahu anhum wa ardahum. Et on avait déjà commencé ce chapitre, et on était arrivé à la parole suivante. ثم من مجموع النصوص والفضائل الكثيرة التي وردت في الحث على حبهم رضي الله عنهم وأرضاهم ومن واقع الخلافة فضلوا أبا بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي وكان فيه خلاف بين أهل السنة فيما سبق أيهما أفضل علي أم عثمان ثم انتهى هذا الخلاف واجتمع أهل السنة بعد ذلك على هذا الترتيب أفضل الناس أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ثم العشرة المبشرون بالجنة وهم الزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل وأبو عبيدة عامر بن الجراح هؤلاء يكملون العشرة هم الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة فنشهد لهؤلاء بالجنة ونعترف لهم بفضلهم ثم نعترف بفضل باقي الصحابة لأن الله سبحانه وتعالى وعدهم جميعا بالحسنى فهم إن شاء الله في الجنة جميعا ونص رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل بدر وقال لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم ومعنى هذا أنهم ما يدخلون جهنم بهذه المغفرة وكذلك لا يدخل أحد النار فمن بايع ممن بايع تحت الشجرة لا يدخل النار أحد ممن بايع تحت الشجرة وهذا الحديث أخرجه مسلم والترمذي واللفظ له يعني أهل الحديبية ونحن نرتبهم أفضل الصحابة أولا الأربعة ثم بقية العشرة ثم أهل البيعة أو أهل بيعة العقبة أهل بيعة العقبة ثم أهل بدر ثم أهل بيعة الرضوان ثم بقية الصحابة رضوان الله عليهم ويتفاوتون في الفضل كما سيذكرهم الإمام أي الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وجد خديجة سا، et puis on traduira le reste ensemble, inshallah. Donc c'est la deuxième partie qui s'attache de ce chapitre qui s'attache à étudier la croyance des gens de la Sunna par rapport aux compagnons رضي الله عنهم وأرضاهم. Et il dit, pris de l'ensemble des textes et des nombreuses préséances, les fada'il qui ont été rapportées dans l'incitation à les aimer. Car elle les agrée tous, et de la réalité du califat. Ils ont préféré Abu Bakr, puis Omar, puis Uthman, puis Ali. Et il y avait précédemment, et c'est ce que dit Cheikh Abdel Bukhari aussi dans son explication de Usul Sunnah l'Imam Ahmed, et il y avait précédemment une divergence entre les gens de la Sunna quant à qui donner la préscience sur l'autre, à Uthman ou à Ali. Puis cette divergence prit fin, comme dit Cheikh Bukhari d'ailleurs aussi, et les gens de la Sunna furent ensuite unis sur cet ordre. Le meilleur des gens est qui ? Est Abu Bakr, puis Omar, puis Uthman, puis Ali, puis les 10 à qui le paradis a été promis. Et vous savez très bien que les 4, ils font partie de qui ? Les 4 califs. Hein ? Ils font partie des 10. On va le voir dans un instant, Inch'Allah. À qui le paradis a été promis et ont eu cette bonne nouvelle annoncée. Et ils sont, c'est-à-dire le reste des 10, si vous voulez, en plus des 4 califes, hein, ça fait combien? Ça fait 6. Eh bien, il y a Az-Zubayr ibn al-Awam, et Talha ibn Ubaidillah, et Abdurrahman ibn Awf, et Sa'd ibn Abi Waqqas, et Sa'id ibn Amr ibn Nawfal, ibn Nufayl, et Abu Ubaidah, Amir ibn al-Jarrah. Ceux-là sont ceux qui complètent les 10, c'est-à-dire qu'ils sont 6 en plus des 4 califes précités, ce qui fait 10. au sujet desquels le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a témoigné qu'ils étaient au paradis. Nous attestons donc que ceux-là sont au paradis. Et nous leur reconnaissons leur préscience, leur fadl, puis nous reconnaissons la préscience du reste des compagnons. Car Allah subhanahu wa ta'ala leur a promis à tous al-husna. On avait déjà traduit ce terme-là dans le verset de quelle sourate ? Wa kullan wa'ada Allahu al-husna. Personne sait ? C'est quelle sourate ? Hein ? Sûr ? Sourate al-Hajr ? Naam, ahsant. Donc al-husna, c'est-à-dire la plus belle récompense. Ils sont donc tous, avec la permission d'Allah, au paradis. Et le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit au sujet de Badr, ici, pour les frères qui ont le... Je crois que dans l'autre édition, vous avez aussi. Qu'est-ce qu'il dit ici? Il dit, la'alla Allah, ittala'a. C'est juste ou pas? C'est ce que vous avez ici. Hein? Ça, c'est une riwaya, une autre riwaya qui dit, inna Allah. Et Cheikh Al-Uthaymin, le Sahih al-Bukhari, il a expliqué qu'est-ce que ça veut dire, la'alla. Il a dit, tawakku'an, yani, ay wuku'an. D'accord? Et il y a une autre riwaya qui c'est inna Allah. C'est pour ça que moi j'ai traduit ça par quoi? Par, car Allah a regardé les gens de Badr et leur a dit, faites ce que vous voulez car je vous ai pardonné. Alors maintenant ici, il y a une explication de l'ulama par rapport à ça, par rapport à faites ce que vous voulez car je vous ai pardonné. On n'a pas le temps de la faire ici. Donc revenez aux explications de ce hadith des ulama des gens de la sunna. Et la référence c'est donc un hadith muttafaqun alayh et c'est rapporté par le Bukhari dans son sahih numéro 3983 et Muslim numéro 2494. Et puis, Cheikh, il continue en disant, et le sens de cela est qu'ils n'entreront pas en enfer en raison de ce pardon. Et de même, personne parmi ceux qui prêtèrent allégeance sous l'arbre n'entrera en enfer. Aucun de ceux, et puis c'est un hadith, aucun de ceux qui prêtèrent allégeance sous l'arbre n'entrera en enfer. Et ce hadith, il est rapporté par Muslim, numéro 2496, et At-Tirmidhi, numéro 3860. Et ici, la formulation qu'on a citée, c'est la formulation de qui ? Tirmidhi rahimahullah ta'ala. Et puis le cheikh dit, c'est-à-dire les gens d'Al-Hudaybiyya. Et puis le cheikh il dit, on va les placer dans l'ordre. Il dit, et nous les plaçons dans l'ordre. Les meilleurs des compagnons sont en premier. Les quatre califes. C'est-à-dire qui, encore une fois, Abu Bakr, puis Omar, puis Uthman, puis Ali. On a dit que c'est ça sur lequel les gens de la Sunna sont unis et sont établis maintenant. C'est quoi? Abu Bakr, Omar, Uthman, Ali. Retenez bien ça dans l'ordre et apprenez ça à vos enfants, à vos familles. C'est important. Ça fait partie de la croyance des gens de la Sunna, du consensus. Puis le reste des 10, c'est-à-dire qui les 6 qu'on a cités, qui s'est les répété, certains ulama qui les ont compilés en un vers de poésie, qui connaissent vers de poésie, qui s'est cité au moins un des noms alors des 6. Talha ibn Ahsant, et le deuxième, Zubair ibn al-Awam, Naam, ça fait déjà 2. Abdurrahman ibn Awam, ça fait 3. Sa'd ibn Abi Waqqas, ça fait 4. Sa'id, Naam, Ahsant, ça fait combien? 5, c'est ça? 6e. Ibnul Ahsant, jazakallahu khairan, barakallahu fik. Donc on a dit quoi? Les meilleurs des compagnons sont en premier les 4 califes, puis le reste des 10, puis ceux de l'allégeance de l'Aqaba. Puis ceux de Badr. Je répète ça, c'est important. Les 4 califes, puis le reste des 10, puis ceux de l'allégeance de l'Aqaba, puis ceux de Badr, puis ceux de l'allégeance de Ar-Ridwan, Bayat Ar-Ridwan. Puis le reste des compagnons, qu'Allah les agrée tous. On s'est arrêté là en arabe, je pense, hein? D'accord ou pas? Non? Non, on a rajouté ça. Et ils ont des degrés différents, comme va le dire l'imam, c'est-à-dire qu'il est l'imam Ahmed, rahimahullah ta'ala, qu'Allah lui fasse miséricorde. Puis il continue, Cheikh, il dit, « Thumma ba'daha ula'i thalatati ashabu shura al-khamsa, Ali ibn Abi Talibin, wa Talha, wa Zubair, wa Abdurrahman ibn Auf, wa Sa'd ibn Abi Waqqas, wa Sa'id ibn Zayd, ibn Amr, ibn Nufayl, dhukira huna Sa'd, wa fi ba'di nusakh Sa'id, wa ala kulli hal, ahaduhum yukmilu sittata. Kulluhum yasluhu للخلافة انظر تقدير الإمام أحمد كلهم يصلح للخلافة. لماذا؟ لأن عمر رضي الله عنه وأرضاه رشح هؤلاء وقال اختاروا من هؤلاء، من اختري من هؤلاء فهو خليفة. أحمد أخذ من ترشيح عمر هؤلاء للخلافة أنهم كلهم أئمة وكلهم يصلحون للخلافة. Puis après ces trois-là, c'est-à-dire qui, c'est qui les trois? Oui, non, mais faut pas avoir peur, non, c'est juste. Puis après ces trois-là, les cinq de l'assemblée de consultation, qui sont qui? Bien, retenez les noms, c'est Ali ibn Abi Talib, Talha, Az-Zubayr, et Abdurrahman ibn Auf, et Sa'd ibn Abi Waqqas. Et puis il a mis entre parenthèses ici, et Sa'id ibn Zayd ibn Amr ibn Nufayl, c'est-à-dire que Sa'd qui a été cité ici. Et dans certaines copies, dans certaines autres copies, eh bien c'est qui? À la place de Sa'd, c'est Saïd. Quoi qu'il en soit, le cheikh, il dit, l'un des deux complète les six. Vous suivez ou pas? Quels six? Tous sont aptes au califat. Il va expliquer cette parole de l'imam Ahmed. Tous sont aptes au califat. Il dit, regarde le respect de l'imam Ahmed, rahimahullah. Tous sont aptes au califat. Pourquoi? Car Omar a choisi cela. Il dit, choisissez parmi ceux-là. C'est-à-dire, choisissez quoi? Non. Prochain, pour l'année, c'est-à-dire celui qui va être quoi? Le calife. Celui qui est choisi parmi ceux-là sera le calife. L'imam Ahmed, regardez la compréhension des ulama, des imams de la communauté, l'imam Ahmed prit donc de ce choix de Omar, radiallahu anhu, ou Arda, de ceux-là pour le califat, qu'ils sont tous des imams, des guides. Et qu'ils sont tous apte au califat. Et puis il continue, il dit nadhabu fi dhalika ila hadith ibn Umar radiyallahu anhuma kunna na'uddu wa rasulullah sallallahu alayhi wa sallam hayy wa ashabuhu mutawafirun Abu Bakr thumma Umar thumma Uthman thumma naskut. Ça c'est une parole qu'on avait citée déjà dans le cours. Oh, ça fait 6 mois maintenant. Hein? Presque 6 mois ou 6 mois. Ben, c'était dans le dernier cours qu'on avait fait, c'était le 11e cours, on s'est arrêté justement à cette parole-là. ثم من بعد أصحاب الشورى أهل بدر من المهاجرين. يعني هناك أيضا كما تعرفون أهل السنة من دراستهم واستقرائهم لفضائل علي وهي كثيرة جدا ومن وقائع البيعة واختيار الصحابة له ومبايعتهم له جاء في الترتيب رابعا في الخلافة ورابعا في الفضل. ثم من بعد أصحاب الشورى جاء من بعد أصحاب الشورى أهل بدر من المهاجرين ثم أهل بدر من الأنصار. بعض الناس يقدم أهل بيعة العقبة على أهل بدر وأكثر الذين بيعوا في العقبة حضروا بدر. أهل بدر من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على قدر الهجرة والسابقة أولا فأولا. فالبدريون يتفاوتون فيما بينهم وأهل بيعة العقبة يتفاوتون فيما بينهم والمهاجرون يتفاوتون فيما بينهم والأنصار كذلك على حسب ما آتاهم الله من الفضل والعلم والغناء في الإسلام بالمال والنفس. Nous avons à ce sujet le hadith de Ibn Omar رضي الله عنهما. Nous comptions alors que le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم était encore vivant et que ses compagnons étaient présents, Abu Bakr, puis Omar, puis Uthman, puis nous taisions. Puis après, ceux de l'assemblée de consultation, ce qu'on appelait Ashab al-Shura, on les a déjà cités, eh bien les gens de Badr. Parmi qui? Parmi les muhajirin, parmi les émigrés. C'est-à-dire qu'il y a aussi, comme vous savez, les gens de la Sunna, en fonction de leur étude et de leur analyse des préséances de Ali, qui sont très nombreuses, et des événements de l'allégeance, et du choix des compagnons qui s'est porté sur lui, radiallahu anhu arda, et de leur allégeance à lui, à Ali, eh bien, il vient dans l'ordre en quatrième position dans le califat et le quatrième en préséance. C'est-à-dire que maintenant on a quoi? Et c'est là-dessus que c'est ça qu'il faut retenir dans cette leçon. C'est quoi? C'est qu'on a Abu Bakr, puis Omar, puis Uthman, puis Ali. C'est là-dessus que sont les gens de la Sunna maintenant, d'accord? Puis Cheikh dit, puis après ceux de l'assemblée de consultation, les gens de Badr parmi les émigrés. Puis les gens de Badr parmi les auxiliaires, l'Ansar. Puis Cheikh dit, certains ont préféré les gens d'allégeance de l'Aqaba, Ahl Bayat l'Aqaba, aux gens de Badr, Ahl Badr. Et la majorité de ceux qui ont prêté allégeance à l'Aqaba ont assisté à la bataille de Badr. Hein, quand on parle de Badr, on parle de la bataille de Badr. Et puis le Cheikh continue en disant, les gens de Badr parmi les auxiliaires, parmi les compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, en fonction de l'émigration et de ce qu'ils ont précédé l'un après l'autre. Les gens de Badr sont de différents degrés. Donc les gens de Badr entre eux sont de différents quoi? De différents degrés. Et les gens de l'allégeance de l'Aqaba sont de différents degrés. Et les muhajiroun, les émigrés, sont de différents degrés entre eux. Ainsi que l'ansar, les auxiliaires, en fonction de ce qu'Allah leur a donné comme préscience et comme science, et en richesse en islam, en bien et en personne. Puis Cheikh, il continue en disant, « ثم أفضل الناس بعد هؤلاء يعني بعد العشرة وبعد أهل بدر وبيعة الحديبية وغيرها أفضل الناس بعد هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم القرن الذي بعث فيهم وكل من صحبه سنة يعني هؤلاء أقل في الصحبة من أولئك ومشاركة في الجهاد ومشاركة في الغزو فهم دون أولئك في المنزلة لكن يحتل بالصحبة وحدها منزلة عظيمة لا يلحقه من بعده من بعده من التابعين مهما عملوا من الأعمال. Ça c'est un point important aussi. Eh bien c'est que puis les meilleurs des gens après cela, c'est-à-dire après les dix, on les a déjà cités, et après les gens de Badr et de l'allégeance de l'Hudaybiyah et autres, eh bien après cela, les meilleurs des gens après cela sont les compagnons du Messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire la génération à laquelle il a été envoyé, alayhi salatu wassalam. Il va détailler plus après, inshallah. Et puis il dit, l'imam Ahmed rahimahullah, et toute personne qui l'a accompagné une année. C'est-à-dire que ceux qui sont moindres en termes d'être des compagnons que ceux-là, les autres, et moindres en termes de participation au jihad, et en termes de participation aux expéditions, ils ont donc un degré inférieur aux autres. Mais rien que par le fait, c'est important de comprendre ça, mais rien que par le fait d'être compagnon, ils occupent une position immense à laquelle personne ne peut accéder après eux parmi ceux qui leur ont succédé. Et c'est quoi qu'ils fassent comme action. C'est-à-dire le sahabi, même si hein, il est moindre en degré que d'autres compagnons, eh bien il est toujours mieux que ceux qui viennent après ça. C'est très très important de comprendre ça. Il va mieux l'expliquer dans un instant, inshallah. Et puis il dit le shir, وكل من صحبه سنة أو شهرا أو يوما أو ساعة أو رآه فهذا تعريف منه للصحبة وبماذا ينال الصحابي هذه المرتبة فلو رآه فقط في لحظة حصلت له الصحبة فضلا إذا صحبه سنة أو شهرا أو يوما أو ساعة وتعريف الصحابي كما عرفتم التعريف الصحيح هو من رأى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام رأه حتى لو لم يحدث عنه فهو صحابي ينال هذه الرتبة العظيمة ويدخل في عداد قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه والحديث متفق عليه إن شاء الله يكونون كلهم في هذه المرتبة العظيمة. Et toute personne qui a été son compagnon, c'est-à-dire le compagnon du prophète, alayhi salatu wassalam, pour une année, ou un mois, ou un jour, ou une heure, ou un moment, ou simplement la vue, juste le temps de le voir. Ceci est une définition de sa part, c'est-à-dire par l'imam Ahmed, de ce qu'on appelle as-suhba, c'est-à-dire le fait d'être un compagnon, d'être un sahabi du prophète, alayhi salatu wassalam. Et donc, et ce par quoi le compagnon obtient ce degré? Si donc il ne l'a vu qu'un instant, il a ce degré de compagnon. Qu'en est-il alors s'il était son compagnon pour une année, ou un mois, ou une heure? Et la définition correcte d'un compagnon, comme vous le savez, est celui qui a vu le prophète, alayhi salatu wassalam. Alors qu'est-ce qu'on dit certains ulama par rapport à ça? C'est-à-dire quoi? Donc certains ulama disent celui qui a rencontré, pour que l'aveugle y rentre dans cette définition aussi. Celui qui a vu le prophète sincèrement croyant en lui et est mort sur l'islam. S'il l'a vu, et c'est même s'il n'a pas rapporté de lui, même s'il n'a pas rapporté du prophète sincèrement un hadith, eh bien, il est un compagnon, il obtient donc cette immense position et cet immense degré. Et il entre alors dans la parole du prophète, alayhi salatu wassalam, n'insultez pas mes compagnons, car par celui qui détient mon âme entre ses mains, c'est-à-dire Allah, si l'un d'entre vous venait à donner en aumône l'équivalent de la montagne d'Uhud en or, eh bien cela n'équivaudrait pas au mudd de l'un d'entre eux, ni même à la moitié. C'est rapporté par le Bukhari, numéro 3673, et Muslim, numéro 2541. Puis le shir, il termine en disant, avec la permission d'Allah, ils sont tous à cet immense degré et position. Alors ici, par rapport au mot mudd, Ibn Mandur, rahimahullah ta'ala, dans l'Islam arabe, il dit, wal mudd في الأصل ربع صاع وإنما قدره به لأنه أقل ما كانوا يتصدقون به في العادة قال ابن الأثير ويروى بفتح الميم وهو الغاية وقيل إن أصل المد مقدر بأن يمد الرجل يديه فيملأ كفيه طعاما donc c'est quoi le mud? Ils ont dit à la base à l'origine c'est le ربع, le quart de ce qu'on appelle un صاع. Et ils ont donné cette mesure car c'est le moins qu'ils avaient l'habitude de donner en aumône. Puis il rapporte qu'Ibn al-Athir, rahimahullah, il a dit et qu'il que c'est également rapporté avec le fath, c'est-à-dire le mad, wa huwa al-ghaya. Wa qila, il a aussi été dit, inna asl al-mud muqaddarun bi an-mud ar-rajul yadayhi fayamla'u kaffayhi ta'ama. Il a aussi été dit que l'origine du mot mud, eh bien c'est la mesure qui a été donnée, c'est que qu'un homme tende ses deux mains et qu'il remplit ses deux paumes de quoi de nourriture. C'est ça, la mesure. Hein? C'est juste pour vous donner un petit aperçu de, sinon revenez au livre des ulama par rapport au mud, etc. Mais c'est juste que vous ayez au moins un petit aperçu de ce que ça veut dire, le mud d'ici. Donc, Cheikh, il a terminé ce point-là en disant, Hafidhahullah Ta'ala, avec la permission d'Allah, ils sont tous à cet immense degré et position. Et puis il continue, il dit, يقول فهو من أصحابه يعني ولو رآه مجرد رؤية وهو مؤمن به له من الصحبة على قدر ما صاحبه يعني له من الصحبة لا محالة وعلى قدر ما صاحبه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي مهاجرون وعاشوا معه في مكة وفي المدينة وجاهدوا معه وأنفقوا إلى آخره فهم أفضل من غيرهم وهكذا وهكذا إلى آخرهم ممن دخل في الإسلام بعد فتح مكة ولو رآه واحد منهم ساعة أو لحظة فإنه يدخل في عداد الصحابة وينال شرف هذه الصحبة. Alors ce point ici, qu'est-ce qu'il nous dit Cheikh Rabi Hafidhahu Allah Ta'ala? Il dit, il fait partie, c'est-à-dire l'imam Ahmed il dit, rahimahullah, il fait partie de ses compagnons, c'est-à-dire les compagnons du messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, c'est-à-dire d'Amir Aoudou la Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam, le pronom personnel ici à ses compagnons, c'est-à-dire aux compagnons du prophète alayhi salatu wa sallam, c'est-à-dire, et ce même s'il ne le voit qu'une fois en croyant à lui, en lui. Il a de cette sohba, le fait d'être compagnon d'un sahabi, en fonction du temps qu'il a été son compagnon. C'est-à-dire qu'il est un compagnon sans aucun doute. Et ce, en fonction du temps qu'il l'a accompagné, si vous voulez, ou qu'il a été son compagnon. Abu Bakr, et Omar, et Uthman, et Ali sont des émigrés, des muhajiroun. Ils sont donc quoi des? Hein? C'est-à-dire qu'ils ont précédé. Ils ont vécu avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam où? À la Mecque. Et à Médine. Et ils ont fait le jihad avec lui. Et ils ont donné de l'argent, etc., etc. Ils sont donc meilleurs que d'autres qu'eux. Et ainsi de suite. Jusqu'au dernier d'entre eux. Qui s'est converti après la conquête de la Mecque. Et ce même s'il n'a vu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qu'une heure, ou même qu'un instant, il entre alors dans l'ensemble des compagnons et obtient donc la noblesse de cette sohba. Sohba, le fait d'être un compagnon, d'être un sahabi. Puis il continue en disant, hafidhahullah ta'ala, qala, lahu min as-sohbati ala qadri ma sahibah, wa kanat sabiqatuhu ma'ah, wa sami'a minh. نظر إليه نظرة فأدناهم صحبة وأفضل من القرن الذين لم يروه ولو لقوا الله عز وجل بجميع الأعمال فأدنى ici c'est la parole du Cheikh Rabi hafidhahullah, فأدنى صحابي لا يلحقه أفضل تابعي ولو جاء بكل الأعمال وأنواع الخير لا يلحق الصحابي في هذا الفضل، لأنه إذا كان الصحابي ولو أنفق أحدنا مثل أحد ذهبا ما بلغنا مد أحدهم ولا نصيفه. فمهما اجتهدنا في الأعمال لا نلحقهم إذا أنفق مدا، فكيف إذا بذل ماله. من الصحابة من كان ينفق ماله، ومنهم من ينفق شطر ماله، ومنهم من يجهز جيشا كعثمان، ومنهم فبذلوا أموالهم في سبيل الله عز وجل. وهذا يعني لو قدم تمرة أو قدم نصف مد أو قدم ما قدم لا يلحقه مهما أنفق، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. سورة المائدة. Et il dit, c'est-à-dire l'imam Ahmed rahimahullah, et il a en fait d'être compagnon en fonction du temps qu'il a été son compagnon et en fonction de ce qu'il a précédé en termes d'être un compagnon et qu'il a entendu de lui et il l'a vu même une fois. Le moindre en termes d'être un compagnon est meilleur que la génération qui n'ont pas vu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire le moindre des compagnons est meilleur que le meilleur de qui ? Des tabi'oun. Que le meilleur tabi'i, qui ont succédé au et la génération qui n'ont pas vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais qui ont succédé aux compagnons. Et il dit, c'est un point important, il dit, le moindre en termes d'être un compagnon est meilleur que la génération qui n'ont pas vu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et ce même s'il rencontre Allah avec toutes les actions. Et vous vous souvenez la parole de Cheikh Falah Ismail qui avait dit, hein, entre Sahaba et les autres, il y a une ligne rouge. Khatun Ahmar. Il n'y a personne qui franchit cette ligne rouge. Le moindre des compagnons ne peut être rattrapé par le meilleur de ceux qui leur ont succédé, les tabi'un. Et c'est même si le tabi'i vient avec toutes les actions et tous les genres de biens, il n'arrive pas au degré de compagnon dans cette préséance. Car si l'un d'entre nous venait à donner en aumône l'équivalent de la montagne d'Uhud en or, eh bien cela n'équivaudrait pas au moud, on a vu c'était quoi le moud, d'un compagnon, ni même à la moitié. Regardez la compréhension du hadith de Cheikh Rabi hafidhahullah ta'ala. Donc Cheikh dit donc, quoi que nous fassions comme effort, en action, nous n'arriverons pas à leur degré s'ils donnaient en aumône un moud. Donc quoi que nous fassions comme action, comme effort, nous n'arriverons pas à leur degré s'ils donnent en aumône un moud. Qu'en est-il alors s'ils donnent tout leur argent? Parmi les compagnons, il y en a qui ont donné tout leur argent. Par exemple, qui ? Abu Bakr radhiallahu anhu ardahum, arda. Et parmi eux, il y en a qui ont donné la moitié. Qui ? Omar radhiallahu anhu arda. Et parmi eux, il y en a qui ont équipé toute une armée. Qui ? Uthman. Ce qu'on appelle Jaysh al-Usra, l'armée de la difficulté. Et il y en a parmi eux, et il y en a parmi eux, etc. Ils ont donc dépensé leur argent dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et s'ils donnaient une date, ou la moitié d'un moud, ou toute autre chose, eh bien, on n'arriverait pas à son degré, quoi qu'on en donne. La traduction du sens de la parole d'Allah dit, et là c'est un verset dont la traduction du sens est, « Telle est la grâce d'Allah et il la donne à qui il veut. » Surat al-Ma'idah, verset 54. Puis il continue ce chapitre en disant, فهذا الإمام يعرف قدر الصحابة وينبغي أن نعرف منزلتهم ونعرف لهم قدرهم وأنهم أفضل الناس بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وما عرفت البشرية بعد الأنبياء مثلهم في كل تاريخها وما عرفت مثلهم إيمانا ويقينا وإخلاصا وجهادا وبذلا وتضحية ففتح الله بهم القلوب وفتح بهم الشعوب واستنارت الأمة بما بلغوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرسول صلى الله عليه وسلم وبجهاد في نصرة هذا الدين فيستحقون منا كل إجلال وكل احترام والله من أجلهم نوالي ومن أجلهم نعادي. Alors c'est important ici qu'on se rappelle qu'on est toujours dans le cadre de l'étude des fondements de la Sunna, hein, des gens de la Sunna. Donc ça c'est un point qui fait partie des fondements des gens de la Sunna, qui fait partie de notre croyance. Cheikh il dit, حفظه الله تعالى, cet imam, c'est-à-dire qui, l'imam Ahmed rahimahullah, connaît la valeur des compagnons. Et il nous est obligatoire de connaître leur degré, et de connaître leur valeur. et qu'ils sont les meilleurs des gens après les prophètes, alayhi salat wa salam. Et que l'humanité n'a pas connu de semblable à eux après les prophètes, alayhi salat wa salam. Et ce, dans toute l'histoire de l'humanité. Elle n'a pas connu de semblable à eux en termes de foi, et de certitude, et de sincérité, et de djihad, et d'efforts, et de sacrifices. Allah a par eux ouvert les cœurs des gens, et a conquis les peuples, et la communauté s'est illuminée parce qu'ils ont rapporté du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et par leur combat pour rendre cette religion victorieuse. Ils ont donc droit au respect, à un respect total de notre part. Et une estime totale de notre part. Et par Allah, pour eux nous aimons et pour eux nous détestons. Puis il continue, il dit... ومن هنا من تقدير أهل السنة لهم قالوا من انتقص صحابيا واحدا فهو زنديق انتقاصا فقط كيف بالسب والطعن والتكفير ومن انتقص صحابيا فهو رافدي خبيث هذا يا إخواننا حق وحماية أعراض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف وقد رضي الله عنهم كيف وقد وعدهم بالجنة كيف وقد زكاهم وأنزلهم هذه المنزلة العظيمة هذه المنزلة العظيمة وعرفها الصحابة بعضهم لبعض وعرفها التابعون وعرفها علماء الأمة السابقون عرفوا هذا هذه المنزلة ici moi j'ai هذا changé هذه المنزلة ويبقى الغثاء والجهلة والضلال والزنادقة يعادون هؤلاء الشيخ الدي حفظه الله تعالى et donc de cela il fait partie du respect des gens de la sunna envers eux c'est-à-dire envers les compagnons radiyallahu anhum ardahum qu'ils ont dit Toute personne qui dénigre l'un d'entre eux est un zindiq. Juste le dénigrer, qu'en est-il alors de les insulter et de les injurier et les juger mécréants? Et celui qui dénigre l'un des compagnons est un rafidith ignoble, un khabith, rafidith khabith. Puis Cheikh dit ceci, oh mes frères, est une vérité et une défense de l'honneur des compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Comment pourrait-il en être le contraire alors qu'Allah est satisfait d'eux? Et les agrée, subhanahu wa ta'ala, et qu'il leur a promis le paradis. Et a attesté de leur vertu, et leur a donné cet immense degré. Et les compagnons reconnaissaient ce degré les uns envers les autres. Ils se reconnaissaient ce degré les uns envers les autres. Et les tabi'oun, ceux qui leur ont succédé, le leur reconnaissaient. Et le leur reconnaissaient aussi les premiers savants de la communauté. Ils reconnaissaient ce degré. Tandis que les débris, et les ignorants, et les égarés, et les zanadiqah, détestent les compagnons, radiallahu anhum ardahum. Et c'est pour cela que la détestation des auxiliaires, et Cheikh continue en disant ici, « Ou lihada, alamatu nifaq, bourdul ansar, wa alamatu l'iman, hubbul ansar. Fa kayfa bil muhajirin, wa al muhajirun la shakka afdalu min al ansar, fa hubbuhum imanun min babi awla, wa bourduhum nifaqun min babi awla. » Qui connaît la parole de même Tahawi par rapport à ça, Rahimahullah, dans Tahawiya? Hein? Habbu Sahaba? Non? Ou Abordu Sahaba? Hein? Elle est magnifique cette parole-là. À la fin, pour le Bourdi, c'est terminé Kufrun wa Tughyan. Hein? Et pour le Hub, il dit, hein? Wa Iman. Vous la connaissez? Hein, je ne vous la dis pas, allez chercher la Aqidah Tahawi de l'imam Tahawi Rahimallah. Il a une très belle parole qui est très courte, que vous pouvez mémoriser, qui résume le fait d'aimer les sahabas ou de les détester. Qu'Allah nous préserve de les détester, qu'Allah Azzawajal nous donne l'amour des sahabas. Donc on a dit que وَلِهَادَ عَلَمَةُ النِّفَقْ بُغْدُ الْأَنصَارِ وَعَلَمَةُ الْإِيمَانِ حُبُّ الْأَنصَارِ فَكَيْفَ بِالْمُهَاجِرِينَ والمهاجرون لا شك أفضل من الأنصار فحبهم إيمان من باب أولى وبغضهم نفاق من باب أولى وكيف إذا بدأ البغض والعداوة بأبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم جميعا وإخوانهم من سادة الصحابة يعني أتباع ابن سبأ اليهودي عندهم أفضل من أبي بكر وعمر ما شاء الله أتباع ابن سبأ اليهودي مدرسة ابن سبأ أفضل من مدرسة محمد عليه الصلاة والسلام على طريقة الروافد والخوارج قبحهم الله وكلهم خرجوا من مدرسة ابن سبأ الروافد والخوارج ثاروا على عثمان وبعدها خرج منهم الروافد والخوارج فهم تلاميذ ابن سبأ جميعا فعلى مذهبهم قبحهم الله، يكون ابن سبأ أخرج أناسا ما شاء الله مؤمنين، ومحمد عليه الصلاة والسلام ما أخرج أحدا إلا 3 أو 4 أو 10 على حسب ما يقول الروافد. قبح الله سعيهم. شيخ الدي حفظه الله تعالى. Et c'est pour cela que la détestation des auxiliaires est un signe d'hypocrisie. L'ansar, les auxiliaires. Et l'amour des auxiliaires est un signe de foi. Qu'en est-il alors des émigrés des Muhajiroun, qui sont sans aucun doute meilleurs que les auxiliaires, l'ansar? Donc de préférence, leur amour est un signe de foi, et les détester est un signe d'hypocrisie. Mbabi Aula. Qu'en est-il alors si certains se mettent à détester Abu Bakr, et Omar, et Uthman, et Ali, et leurs frères parmi les plus nobles des compagnons? C'est-à-dire que les suiveurs d'Ibn Saba, le juif, pour eux, eh bien, il est meilleur que Abu Bakr et Omar. Masha'Allah, le cheikh, il dit. Les suiveurs d'Ibn Saba, le yahoudi, l'école d'Ibn Saba est meilleure que l'école de Mohammed, selon la méthodologie des Rawafid et des Khawarij, qu'Allah les en les dise. Qabbahahum Allah. Ils sont tous issus de l'école d'Ibn Saba. Les Rawafid, les Khawarij se sont rebellés contre Uthman. Et après cela, en sont sortis les Rawafid et les Khawarij. Ils sont donc tous les élèves d'Ibn Saba. Et donc cela, selon leur méthodologie, qu'Allah les en les dise, Ibn Saba a fait sortir des gens croyants, masha'Allah, hein, de son école. Et Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a fait sortir personne à part 3 ou 4 ou 10, en fonction de ce que disent les Rawafid. Hein? Qu'Allah leur donne ce qu'ils méritent à ces Rawafid. Alim Allah ma yastahiqoun. Wa jazakum allahu khairan, wallahu alam. Et on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, parce que je ne voudrais pas rentrer dans le chapitre qui est le suivant, qui est l'obéissance au gouvernant, parce que c'est un long chapitre. Et on va commencer en douceur, hein. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de cours. D'accord? Entre parenthèses, il y a beaucoup de cours que j'ai fait à Nice et en Belgique, etc. Des cours que j'ai trouvé assez intéressants, de quand je suis imam, etc. Il y avait d'autres cours que j'avais fait déjà avant en Belgique, etc. aussi, donc on voudrait les faire un jour. Donc il faudrait peut-être qu'on trouve un temps, qu'on fasse des petites mini daurat, des petites, hein, une petite après-midi, ou qu'on organise une daura encore cette année, inchallah, d'un week-end, pour qu'on fasse ces cours, parce que je voudrais les faire avec vous. Jazakumullahu khairan, wallahu a'lam, wa subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.